France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Rose Valland ou l'art de la résistance. Quand le maréchal Pétain acte la défaite militaire de la France en juin 40, Hitler et ses troupes s'engagent dans une gigantesque entreprise de confiscation, dans une démarche ouvertement crapuleuse. Tout est à eux, les moyens de locomotion, les matières premières, entre autres, et les œuvres d'art. Dans les semaines qui précèdent la guerre, les grands musées ont placé leurs collections à l'abri, mais pas les particuliers, ni les amateurs d'art, dont de grandes familles juives. Arrivés à Paris avec des listes de tableaux d'artistes extrêmement précises, les nazis commencent par piller les marchands d'art juifs, puis les collectionneurs juifs. Et quand les toiles de maître et les meubles précieux partent pour l'Allemagne, ils prennent tout le reste. Près de 100 000 objets culturels, dont 60 000 ont été retrouvés après-guerre, grâce à une femme, une résistante sans autre arme que sa mémoire, ses notes, son courage et son amour de l'art. Elle s'appelle Rose Valland. Notre invitée aujourd'hui, Dorothée Lépine, journaliste et autrice du livre intitulé « Les oubliés du pouvoir », IEES, paru chez Hors Collection à l'automne dernier. Affaires sensibles, une mission de France Inter, diffusée en direct. Récits documentaires et rédaction en chef aujourd'hui, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Une lourde silhouette enveloppée d'un long manteau qui le protège de la pluie fine de ce dimanche 3 novembre 1940. Plutôt que sa casquette de Reichsmarschall, Hermann Göring porte ce jour-là un chapeau. Sa cour, composée d'officiers nazis, est en uniforme. Lui est le seul en civil dans cette salle du musée du Jeu de Paume. Un peu à l'écart, Rose Valland, la conservatrice, retient les détails de la scène. Les officiers en grand uniforme faisaient ressortir étrangement médiocre la pesante et bourgeoise silhouette du visiteur qu'ils escortaient. Göring vit toutes les peintures, l'une après l'autre, et s'intéressa à chacune d'elles. La guerre et sa fortune mettaient à sa merci quelques-uns des plus célèbres tableaux de Rembrandt, Vermeer, Renoir ou Gauguin. Un tel rassemblement avait été réalisé pour lui seul. Dans cette salle du musée où sont accrochés ou simplement calés contre un mur des dizaines de toiles et de sculptures, Rose Valland et Hermann Göring nous apparaissent aujourd'hui comme deux symboles illustrant, chacun à sa place, une même histoire. En cette année 1940, Göring est un homme de 120 kilos qui a perdu la prestance du héros allemand qu'il était 25 ans avant, quand il était un as de la Luftwaffe. Non seulement il a pris du poids depuis, mais surtout de l'épaisseur. Lui qui est devenu un proche d'Hitler dès 1922. Puis en créant la Gestapo, puis en devenant le numéro 2 du Führer, qui invente pour lui le titre de Reichsmarschall. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, Göring est le plus vorace des pilleurs. Rose Valland, elle, a 42 ans, 5 de moins que Göring. C'est une femme discrète, solide, au visage presque aussi rond que la monture de ses lunettes en écaille. Son apparence est presque austère et on la remarque peu. Elle est pourtant tellement remarquable, car elle va permettre, après-guerre, de retrouver 60 000 œuvres d'art sur les 100 000 pillées en France par les nazis. Mais revenons au musée du Jeu de Paume. C'est un long bâtiment de 80 mètres construit au 19e siècle, posé à l'extrémité du jardin des Tuileries, tout près de la place de la Concorde. D'abord destiné au Jeu de Paume, donc, l'ancêtre du tennis, le musée abrite avant-guerre des collections d'art étranger contemporain. Et la conservatrice, c'est cette Rose Valland, que les nazis voient à peine quand ils prennent possession du musée. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Les vainqueurs de 1940 s'approprient l'endroit et les Français qui y travaillent ne sont que des ombres. Bien au-delà du musée lui-même, c'est un pays entier que s'approprie l'occupant. Les trains sont réquisitionnés, la logistique et le logement des soldats allemands sont payés par la France. Le charbon français part en Allemagne, et il en est de même pour les œuvres d'art. Un racket qui montre que la guerre d'Hitler était aussi une guerre mafieuse, menée par des criminels contre l'humanité, criminels de guerre et aussi criminels de droit commun. Rien n'est improvisé, tout est encadré, organisé, à l'allemande, pourrait-on dire, méthodiquement. À partir de juin 40, trois organismes se disputent la spoliation des collections privées appartenant à de riches familles juives. Comme l'explique l'une des biographes de Rose Vallant, Jennifer Le Sieur, sur France Inter, le 29 juin dernier. Et ces trois organismes se sont détruits par rivalité en fait, oui, successive. Et finalement, il y a un organisme qui a réussi à prendre le contrôle des opérations. C'est l'ERR, pour Einsatzstab, pardon pour en allemand, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, du nom de Rosenberg, Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti nazi. Et cet organisme, finalement, c'est organisé systématiquement pour répertorier les collections privées, pour organiser les spoliations et amener toutes ces œuvres d'art au jeu de paume, donc qui servaient de gare de transit, avant de transférer tous ces biens en Allemagne. Pour être plus précis sur cette ERR, il faut se pencher sur Alfred Rosenberg, donc celui qui le dirige, à qui Hitler en a confié les rênes. Il est celui qui va façonner, dès les années 20, la doctrine intellectuelle du parti nazi. Et pendant la guerre, chargé de la politique étrangère du Reich, Rosenberg confisque les biens des Juifs, et dans une moindre mesure, ceux des francs-maçons et des communistes. Sous sa responsabilité, est envoyé début juillet 40 au commandement allemand à Paris la note suivante « Ordonne de recenser et de mettre en sûreté les objets d'art et documents historiques appartenant à l'État français ou à des particuliers » notamment à des Juifs. Mettre en sûreté. Plus élégant que dire prendre ou faire main basse. Hitler explique ainsi qu'il ne s'agit pas d'expropriation, mais de transfert sous notre garde. Je cite. Tout ce que l'ERR va voler, répertorier, étiqueter, puis envoyer en Allemagne, est destiné par ordre décroissant d'importance aux universités, musées et bibliothèques allemands, ensuite aux collections personnelles de Göring, et enfin, c'est le premier point du code de l'ERR, au Führer lui-même. Vol, enrichissement personnel et corruption, tout y est. L'Europe sous le joug de l'Allemagne nazie, c'est l'Europe sous la coupe d'une bande de délinquants. Peintre raté, deux fois recalé aux Beaux-Arts de Vienne dans ses jeunes années, Hitler a sans doute une revanche à prendre sur ce milieu culturel qu'il a rejeté, faute de talent. Alors, quoi de mieux que d'être celui qui va rassembler en un seul lieu les plus belles œuvres d'art du monde? Et il a choisi l'endroit où il veut édifier un musée qui dépassera le Louvre, Linz, en Autriche, sa ville d'enfance. Évidemment, il faut que ce soit grandiose, comme le résume cet extrait d'un documentaire de 2018 sur la chaîne Histoire. Hitler veut bientôt modifier la cité tout entière pour en faire la ville du Führer, percé d'un boulevard majestueux qui, de la gare, conduit directement au centre où se dresse le musée du Führer. Hitler, le peintre, l'architecte refoulé, dessine de sa main les premiers plans et schémas du musée. Grâce à ses dessins, on sait de quelle manière Hitler a très tôt imaginé son musée. Par exemple, il était très important pour lui de répartir les pièces concrètement par peintre et par époque. Ici, les salles gothiques, là, les salles Renaissance, etc. Mais revenons à Paris, en cet automne 1940. Le paysage débute et si Rose Vallant est effarée, horrifiée, elle ne montre rien, discrète, effacée. Mais en aucun cas résignée, surtout pas. Inactive, moins encore. Non, Rose Vallant résiste, mais à sa manière. Tout ce que je voyais et entendais finissait par constituer dans le fichier de ma mémoire et de mes notes une importante réserve, d'après laquelle je m'efforçais de connaître autant possible les opérations et les projets de l'ERR, écrit-elle dans le récit de sa vie. Alors, elle circule dans le bâtiment, sous tous les prétextes possibles. Une toile à voir, un poste électrique à vérifier. En vérité, elle écoute aux portes, fouille le soir dans les poubelles pour récupérer les brouillons. Et elle rentre chez elle avec des documents qui ne devraient pas quitter le musée. Elle les recopie, puis les remet discrètement à leur place le lendemain matin. Elle prend des risques insensés, fait semblant de ne pas comprendre la langue de l'occupant. Elle se fait ombre, silhouette grise, presque transparente, qui glisse dans les différentes salles du musée au milieu de l'agitation des employés allemands de l'ERR. Rose est devenue espionne. Quels que soient les ennuis et les déplaisirs que cela pourrait me causer, dit-elle. Les déplaisirs, un euphémisme, parce qu'elle risque sa vie, la torture, la déportation ou l'exécution si elle se fait prendre. Dans un rare enregistrement de sa voix, sauvegardé par l'association Mémoire de Rose Vallant, voici ce qu'elle dit elle-même de son activité d'espionne. Je surveillais les papiers, parce que c'est très curieux, à l'Eisenstadt-Rosenberg, on avait gardé l'habitude de faire beaucoup de papiers et de documents. Je dois dire que quelquefois, cela s'est présenté avec facilité. À d'autres moments, ce furent toute une série de renseignements qui s'ajoutèrent les uns aux autres et qui me permirent enfin de localiser de façon précise l'endroit où se trouvaient les collections qui avaient passé par le musée du Jeu de Paume, qui appartenaient à la France et qui, j'en étais sûr, après la victoire des Alliés, devraient lui revenir. Tous ces secrets volés, Rose Vallant les apporte à quelques centaines de mètres du musée du Jeu de Paume. Suivons-la. En quittant le musée, elle se dirige vers le bassin octogonal du jardin des Tuileries, puis remonte la grande allée ombragée, dépasse le bassin rond pour arriver au musée du Louvre. Une volée d'escaliers, des couloirs, et la voilà dans le bureau de Jacques Jaujard. Il a 45 ans cet homme. Il en fait un peu plus, sans doute à cause du regard triste et fatigué qu'on remarque sur des photos. En tout cas, c'est lui, raconte Jennifer Lossieur sur France Inter, que Rose Vallant vient voir. Il était directeur des musées nationaux et Rose Vallant allait le voir à peu près deux fois par semaine dans son bureau du Louvre pour lui remettre les informations qu'elle avait collectées donc au Jeu de Paume. Et Jacques Jaujard, lui, était membre officiel d'un réseau de résistance et il a transmis les informations de Rose Vallant à son réseau pour essayer de court-circuiter finalement cette entreprise gigantesque de spoliation. Mais Jacques Jaujard, dès avant la guerre, est le grand ordonnateur du plan de sauvegarde du patrimoine français. Oui, c'est lui qui fait cet immense plan d'évacuation en très peu de temps, en quelques semaines. Je crois 4000 chefs-d'œuvre du Louvre ont été mis en caisse, parfois avec des petites pastilles rouges pour indiquer leur degré d'importance. Mona Lisa, par exemple, avait 3 points rouges sur sa caisse. Voilà, et la perle de Corot également. Aussi, voilà. Et ainsi passent les semaines, les mois et les années. Le jour, Rose Vallant surveille et note. La nuit, dans un petit appartement de la rue de Navarre, dans le 5e arrondissement de Paris, elle recopie, met en forme, synthétise tout ce qu'elle a appris. Sous sa plume, des listes presque sans fin de peintres, Degas, Monet, Manet, Vermeer, Delacroix, Rubens ou Bruegel. En regard, elle écrit la destination de ses œuvres pillées. Et petit à petit, elle identifie les destinations. Karin Hall, la somptueuse demeure de Göring, près de Berlin, ou des dépôts dans lesquels les nazis regroupent tout ce qui a été spolié. Il y a là des châteaux comme celui de Neuschwanstein, une folie monumentale et baroque de Ludo de Bavière, ou encore des mines de sel. Ce qui reste en France est vendu au titre de l'effort de guerre. Des marchands d'art collaborent et récupèrent ainsi des œuvres que jamais ils n'auraient pu acheter en temps de paix. Et puis tout le monde se sert. Suivant l'exemple de Göring, à chacune de ses 21 visites au Jeu de Paume. Rose Vallant voit très bien l'officier nazi représentant de l'ERR au musée sortir des lieux avec des toiles qu'il place dans sa voiture. Enfin, il y a les tableaux que les nazis ne supportent pas, les plus modernes, les plus cosmopolites, les moins classiques, les moins ariens. Ils appartiennent à ce que le Führer appelait l'art dégénéré. Et le sort de ces toiles est vite réglé. Le Troisième Reich qui coche toutes les cases du totalitarisme à la manie de l'autodafé. Et le 23 juillet 1943, les passants de la place de la Concorde ou les promeneurs du jardin des Tuileries ne peuvent pas manquer de voir cette fumée qui monte depuis le musée du Jeu de Paume. C'est l'art qu'on assassine. Dans la cour, des flammes rongent des cadres, des châssis de tableaux. Les toiles, plusieurs centaines crépitées, brûlent en quelques secondes. Le feu efface les signatures des peintres Picasso, Miro, Picabia, Léger, Ernst et tant d'autres. Rose Vallant assiste à cette scène. Elle décrit. Des servants entretenaient ce bûcher avec des soins attentifs qui semblaient participer au rituel d'un sacrifice. Une sentinelle en armes empêchait l'approche. Des tableaux modernes brûlaient au centre de Paris et tous avaient été désignés comme inemployables et dangereux. En eux se trouvait un poison à détruire. L'inspiration enjuivée dénoncée par le Führer. Le choix était somptueux et le bûcher nazi richement alimenté. Oui, car dans cette entreprise de confiscation, elle ne concerne pas que les œuvres d'art majeures. Non, tout est pris aux juifs français, les bijoux, l'argenterie, les meubles, tout. Ainsi, les soldats allemands envoyés sur le front de l'Est reçoivent des tables, des lits, des fauteuils, pillés à Paris pour aménager leurs installations. C'est tout un système, une organisation, une entreprise, un crime planifié. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison de. Dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Aujourd'hui, Rose Vallant, l'art de la résistance. France Inter, affaires sensibles. Paris, 1er août 1944, 1510e jour de l'occupation allemande. Depuis près de 2 mois qu'ils sont débarqués, les alliés sont encore bloqués par la Wehrmacht en Normandie et en Bretagne. La route de la capitale ne leur est pas encore ouverte. Mais le commandement allemand du Grand Paris ne se fait guère d'illusions. Dans quelques jours, quelques semaines au maximum, on se battra sur les rives gauche et droite de la Seine. Au musée du Jeu de Paume, Rose Vallant assiste à un ballet sordide. Des caisses en bois quittent les salles pour être chargées sur des camions. Alors elle compte. Il y en a 148, enfermant les derniers trésors artistiques que l'occupant veut évacuer en Allemagne. Et elle écrit. Les armées alliées étant attendues avec impatience, mais seraient-elles à Paris assez tôt pour empêcher ce dernier pillage? Les 148 caisses sont chargées dans un train qui ne va pas partir tout de suite, parce que les Allemands veulent compléter le chargement. Les tableaux n'occupent que 5 wagons et il y en a 47 autres à remplir. Cela prend 10 jours à l'occupant pour empiler des tonnes de mobilier volé aux Juifs. Ces 52 wagons doivent s'ajouter aux presque 30 000 déjà envoyés en Allemagne. Rose écrit encore, les voies ferrées étaient heureusement encombrées par les Allemands eux-mêmes et le train musait stationné à la gare d'Aubervilliers. Donc, il fallait le retenir, il fallait gagner du temps. Au musée du Louvre, Jacques Jaujard, lui, est en contact avec le réseau Résistance Fer, celui de la SNCF. À coups de fausses pannes d'aiguillage, on réussit à maintenir le train en région parisienne jusqu'au 29 août. Rose Vallant raconte la suite. Et c'est à ce moment-là que la Résistance et la SNCF multipliaient les embûches de manière à retarder ce train. Il fallait absolument qu'il ne parte pas. Et comme les Allemands étaient les plus forts, il partait bien entendu, mais il n'allait pas très loin. Il avait des ennuis qui l'obligeaient à stopper. Le train, au dernier moment, se maintient sur des rails de la région parisienne. Il arriva ce que je considère comme un des miracles les plus extraordinaires de cette histoire, c'est que celui qui fut chargé par la division Leclerc, qui à ce moment-là arrivait à Paris, prendre livraison de ce train, de le stopper définitivement, était justement le fils du fameux collectionneur Rosenberg, dont une partie des tableaux se trouvait dans ce fameux train que nous avions essayé de retenir. Cet épisode est tellement, comme le dit Rose Vallant, un miracle qu'Hollywood l'adapte en 1964. John Frankenheimer derrière la caméra, Burt Lancaster devant, ainsi que Jeanne Moreau, Michel Simon en cheminot et Suzanne Flon en Rose Vallant. Le film s'appelle tout simplement Le Train. Un train. Et oui, un train qui devait parvenir en Allemagne à tout prix. Un train tellement précieux que pour lui, les Allemands vont traquer. Fusiller. Tuer. Les résistants vont le signaler. Le retarder. Le détourner. Pourquoi ? Que contient-il dans ? On sait ce que contenait ce train grâce aux bordereaux d'envoi subtilisés justement par Rose Vallant. Il y a là, par dizaines, des Cézanne, Gauguin, Modigliani, Renoir, Dufy, Braque, Degas, Vlaminck, Toulouse-Lautrec. Leur voyage s'arrête donc à Aulnay-sous-Bois. Et l'histoire, elle aussi, aurait pu s'arrêter là. De même que la vie de Rose. Reconnue par les Parisiens alors qu'elle se rend au Louvre, accusée d'avoir travaillé pour les Boches, elle aurait pu, elle aurait dû être lynchée. Elle n'en échappe que grâce à l'intervention d'un résistant. Ensuite, elle aurait pu rester à Paris, reprendre son travail et retrouver chaque soir les bras de Joyce, sa compagne, une employée de l'ambassade américaine rencontrée pendant la guerre. Mais non. C'est un autre chemin que Rose va tracer pour elle-même. Un chemin qui l'amène, 4 jours avant la capitulation nazie en mai 45, dans une Allemagne dévastée où résonnent encore, sporadiquement, les bruits des bombardements et des combats. Cette fois, elle ne porte plus ses robes tristement sages, mais un uniforme militaire. Elle n'est plus conservatrice, ni officier. Elle a quitté son musée pour intégrer la première armée française, celle du général de Lattre de Tassigny. Rose Vallant n'est plus l'espionne du jeu de paume, mais la capitaine Beaux-Arts. Et c'est en Allemagne qu'elle retrouve un homme rencontré après la libération de Paris, un Américain, James Rorimer. Historien d'art, conservateur de musée, il s'engage dans l'infanterie en 1943. Quelques mois plus tard, il quitte son régiment et intègre une unité militaire spéciale, les Monuments Men. Monsieur le Président, ce tournant décisif de la guerre est aussi le plus dangereux pour tous ces trésors qui sont le patrimoine de l'humanité. Les nazis volent des œuvres à Varsovie, Amsterdam, Paris. Je dois constituer une équipe pour sauver ce qui peut l'être et retrouver ce qui a disparu. Les Monuments Men. Signé par Roosevelt. Vous êtes combien ? Pour l'instant, 6. Seigneur. Avec toi, on sera 7. Tu n'as pas passé l'âge ? Si. Dans ce film, Monuments Men 2, et avec George Clooney, Rorimer et Vallant portent un autre nom, mais ce sont bien eux qu'on retrouve à l'écran, incarnés par Matt Damon et Kate Blanchett. Bien sûr, le film prend quelques libertés avec la réalité, mais Rose Vallant a bien fourni à l'Américain toutes les listes d'œuvres volées à Paris et les noms des dépôts où elles sont entreposées. Et ce que Rorimer fait au sein de l'armée américaine, tracer et retrouver les tableaux pillés, Rose Vallant le fait pour le compte de l'armée française. Alors il faut se représenter Rose Vallant sillonnant les routes dans une Allemagne exsangue et dévastée, quémandant de l'essence ou des vivres pour retrouver les œuvres pillées. Elle harcèle les états-majors américains ou russes pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est portée, elle est comme possédée par un enjeu qui la dépasse, rendre ce qui leur appartient à celles et ceux qui ont été volés. Rose connaît les lieux de stockage d'étoiles qu'elle a vu quitter le jeu de paume, et ce qu'elle cherche encore, elle peut le trouver dans les listes laissées par les nazis. Les fonctionnaires du Troisième Reich consignaient tout. La bureaucratie était une seconde nature chez les nazis. Tant mieux pour les historiens. L'un des lieux de stockage est un endroit extraordinaire, une mine de sel autrichienne. À Altaussee, 6557 peintures, 2300 dessins, 137 sculptures, 181 caisses de livres ont été retrouvées, entre autres. Tout était entreposé sur 42 000 mètres carrés de souterrains, de galeries, de salles aménagées. Pour France Culture, la journaliste Isorias est retournée sur place à l'été 2022. Harald Pernkopf nous guide à travers ces tortueux tunnels et nous conduit à l'un des 8 emplacements où les œuvres furent entreposées. Cet endroit était parfaitement adapté. Il y fait constamment 8 degrés, le taux d'humidité de l'air est de 75% et il n'y a évidemment aucune lumière naturelle. Il y a 130 mètres de terrain au-dessus de nos têtes. Outre des milliers d'objets précieux, la mine a abrité plus de 6500 œuvres d'art, dont des chefs-d'œuvre absolus, la Madone de Bruges de Michel-Ange, le retable de Gand des frères Van Eyck, des tableaux de Vermeer, Rubens, Rembrandt, Bruegel ou encore Dürer. Et lors de votre prochaine visite au Louvre, arrêtez-vous longuement devant l'astronome de Vermeer, car ce chef-d'œuvre aurait pu lui aussi disparaître dans la mine d'Altaussee. Tous les trésors sont sauvés, grâce à Rose Vallant et au Monumentsmen, bien sûr, mais aussi grâce aux Autrichiens. Oh, pas par amour de l'art, non, la plupart des employés de la mine étaient nazis. Mais pour une raison beaucoup plus pragmatique. S'ils avaient fait sauter les galeries de la mine, comme le commandement allemand en avait donné l'ordre, ils auraient perdu leur outil de travail. Et pendant 8 ans, Rose va ainsi parcourir l'Allemagne, retrouver, identifier et rapatrier à Paris 60 000 des 100 000 œuvres pillées. 45 000 seront restituées aux familles spoliées. En avril 1953, elle rentre en France, sa mission en Allemagne est terminée. Bien. Mais que faire maintenant? Après, comme avant la guerre, le milieu de l'art est un milieu d'hommes dans lequel Rose a toujours dû se battre. Raccourci habituel, c'est une femme, elle n'est pas aussi légitime qu'un homme. Bon, elle y est habituée. Elle s'est battue, elle, la petite iséroise, pour entrer aux Beaux-Arts de Lyon, puis ceux de Paris, puis l'école du Louvre et l'Institut d'art et d'archéologie. Les diplômes accumulés, ses connaissances, son travail acharné, en font l'égal d'un ponte masculin, mais le milieu ne la reconnaît pas. Quand elle entre au jeu de paume en 1932, c'est comme attachée bénévole. Pour vivre, elle donne des cours de dessin le soir. Et ce n'est que pendant la guerre, grâce à Jacques Jaujard, qu'elle est enfin payée pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait, conservatrice du jeu de paume. Eh bien, en rentrant en Allemagne, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ne lui trouve pas de poste. Les œuvres volées avaient retrouvé leur place au musée. Pas Rose, écrit Jennifer Le Sieur. Le monde muséal restait régi par des hommes, pour des hommes. Alors elle est regardée avec condescendance, comme si son obsession de la restitution des tableaux pillés n'était qu'une lubie. Et puis il fallait aussi passer à autre chose. Terminer un chapitre, en entamer un autre, oublier l'occupant nazi et renouer des liens avec l'Allemagne. Une période que l'historienne de l'art, Emmanuel Polak, appelle en 2020 sur France Inter les 30 silencieuses. Entre 1945 et 1949, le travail a été fait véritablement, on le sait. Et puis ensuite, moi j'aime parler des 30 silencieuses, enfin j'aime parler, je déplore peut-être les 30 silencieuses, mais finalement cette historiographie, elle rejoint l'historiographie de la Shoah. Puisque, rappelons-nous qu'on n'a pas parlé de la Shoah jusqu'au milieu des années 70. Rose pouvait malgré tout compter sur celui qui a fait d'elle une espionne, puis une conservatrice de musée, Jacques Jaujard. Elle devient chef du service de protection des œuvres d'art, chargée de poursuivre les restitutions, notamment. À partir de ce jour de 1953, Rose mène sa vie à bas bruit. En Allemagne, les années précédentes, elle houspillait américains et russes pour retrouver les œuvres volées. Là, elle devient Rose la discrète. Et donc, c'est discrètement, comme toujours, qu'elle travaille. Discrètement, elle vit avec Joyce. Discrètement, elle publie un livre, Le Front de l'Art. Elle y relate les faits presque sèchement et ne s'attribue aucun rôle glorieux, comme si elle se mettait à distance d'elle-même. Tout aussi humblement, elle reçoit la Légion d'honneur, les arts et lettres, la médaille de la résistance et celle de la liberté, une distinction américaine rare, attribuée par le président des États-Unis lui-même. Et la Croix fédérale du mérite, cette fois, une décoration allemande. Les années passent et malgré le désintérêt du ministère des Affaires étrangères et de celui de la Culture, Rose continue d'avaler des listes d'archives, de tracer des œuvres disparues et de les remettre à leurs propriétaires. Parce qu'elle a compris qu'elle ne restituait pas qu'un tableau ou qu'une sculpture. Non, c'est bien plus que ça, confiait Emmanuel Polak en 2019 sur France Culture. La restitution d'un tableau, la restitution d'un dessin, c'est pas un tableau, c'est pas un dessin. Derrière, il y a beaucoup plus, il y a toujours beaucoup plus. J'ai assisté, j'ai pu avoir eu la chance d'assister à des restitutions. On est tous très très émus. Derrière cette restitution, il y a la possibilité de redonner à une famille son identité, sa mémoire, des souvenirs familiaux et de passer et surtout de reconnaître les exactions dont elles ont été victimes. Parce que pour moi, ce que je veux dire, c'est que ce pillage, ces spoliations de biens culturels s'inscrivent dans un continuum qui va de la stigmatisation d'une population, son éradication de la vie économique, on passe par son internement en camp français, puis sa déportation en Allemagne et son extermination. Rose ne consent à prendre sa retraite qu'en 1968, à 70 ans. Mais quelqu'un du milieu de l'art remarque-t-il vraiment son départ? Peut-être se demande-t-on pourquoi la vieille dame, toujours fourrée dans les papiers, ne vient plus, mais sans que ça n'émeuve personne. Et puis Joyce meurt, et Rose l'enterre dans le caveau familial à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard. La vie défile et s'effile jusqu'en 1980, et Rose Vallant rejoint Joyce. On donne son nom à un collège de la petite ville, à une place, et puis on l'oublie. Oui, on oublie que sans elle, des dizaines de milliers d'œuvres d'art et d'objets culturels n'auraient pas retrouvé leur place d'avant-guerre dans les salons et les chambres des familles juives françaises. On oublie que sans elle, sans ces listes précises des spoliations nazies, certaines toiles auraient été perdues à jamais. On oublie qu'elle a risqué sa vie pour quelque chose de bien plus grand qu'elle et que nous tous. Dans son livre, qu'elle dédie à tous ceux qui luttèrent pour sauver un peu de la beauté du monde, Rose Vallant écrit: quelles que soient les menaces qui pèsent sur ses habitants, la France se doit avant tout de sauver les valeurs spirituelles qu'elle détient comme une partie intégrante de son âme et de sa culture. Mettre à l'abri ses œuvres d'art, ses archives, ses bibliothèques doit être en effet un des premiers réflexes de défense de notre pays. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Rose Vallant, ou l'art de la résistance. Notre invitée, Dorothée Lépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et autrice du livre intitulé « Les oubliés de l'histoire », paru chez Hors Collection à l'automne dernier, livre dans lequel un chapitre est consacré justement à Rose Vallant. Alors je précise que c'est un tome 2, sous-titré « Dans l'ombre du pouvoir ». Le tome 1, paru il y a 3 ans, s'est intitulé, lui, « Dans l'ombre des grands hommes ». Alors avant de parler avec vous de ces femmes oubliées, revenons bien sûr un moment sur Rose Vallant. Avec cette question, si je ne m'abuse, ce qui peut arriver, il n'y a pas de musée qui porte son nom? Non, il n'y a pas de musée. Depuis 2005, le musée du Jeu de Paume a mis une plaque à son nom. Mais pour le moment, c'est tout. Alors c'est vrai que le Jeu de Paume a été un moment très important de la Révolution française, mais tout de même, il n'y a pas eu des démarches auprès de Madame Hidalgo pour qu'il y ait un musée qui porte le nom de cette personne, bon sang, qui a sauvé tant d'œuvres. Ben, à Paris, non. Bon. En tout cas, voilà. Ben, faut pas s'y mettre, hein. Alors d'abord, comment avez-vous découvert son histoire, Rose Vallant, son parcours, ses faits d'armes? Ben, comme un peu souvent par hasard, j'ai lu il y a quelques années le livre d'une femme qui s'appelle Pauline Baird de Pérignon et qui s'appelle La collection disparue et qui racontait son parcours du combattant, son enquête de 3 ans pour remonter l'histoire de la collection de son grand-père, Jules Strauss, qui avait disparu pendant la guerre. Et au fur et à mesure des pages, elle convoquait de plus en plus régulièrement la figure de Rose Valland, et à la fin, elle l'a traitée d'héroïne. Et je me disais, mais qui est cette femme dont je ne connaissais pas l'histoire? Et elle racontait juste seulement son combat et la façon dont elle s'était engagée auprès des familles et des ayants droit ensuite pour les aider. Mais voilà, j'ai eu envie de savoir un petit peu plus qui elle était. Et malgré le niveau de culture de nos auditrices et auditeurs, ils sont plutôt cultivés, je pense que beaucoup de gens vont découvrir aujourd'hui même cette personne, Rose Valland. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez elle? Au-delà de son courage, bien sûr, il y a le courage d'abord, parce que elle disait que ça pouvait m'apporter quelques déplaisirs, tu parles, c'était la torture ou la mort même. Mais ce qui est frappant dans le parcours de Rose Valland, c'est le parcours. Cette femme est née, vous l'avez dit, à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard. C'est un petit village de l'Isère. Elle vient d'un milieu extrêmement rural. Mmh. Son père est forgeron. Elle est enfant unique. Elle est élevée par sa mère et son père, évidemment, mais c'est plutôt sa mère qui s'occupe de son éducation. Sa mère, qui est quelqu'un d'extrêmement cultivé et qui a des grandes ambitions pour sa fille, parce qu'elle lui dit, il va falloir être excellente à l'école parce que c'est le seul moyen que tu auras pour avoir des bourses et pour pouvoir faire des études. Et il va falloir que tu ailles faire des études. Et vous l'avez dit, elle va faire l'école normale d'institutrice, puis les Beaux-Arts, Lyon, Paris, elle va faire 2 thèses, elle est extrêmement diplômée. Et lorsqu'elle arrive au Jeu de Paume dans les années 30, elle considère qu'il est déjà trop tard, d'une certaine manière, pour une brillante carrière, alors qu'elle est à son juste début. Et tout de suite, elle va détonner dans ce milieu-là, parce que déjà, avoir réussi à s'extraire de ce milieu très campagnard, et d'avoir réussi à faire des études au-delà du certificat d'études, comme c'est souvent le cas à l'époque, c'est compliqué. Là, maintenant, elle est à Paris, et elle évolue dans un milieu très bourgeois, une élite intellectuelle parisienne, bourgeoise, souvent très masculine. Et donc, évidemment, elle détonne. C'est un électron libre. Elle n'est pas du sérail. Est-ce que vous diriez quand même qu'elle a été effacée de l'histoire? Or, pas tout à fait, parce qu'il y a votre livre, il y a d'autres travaux, il y a cette émission-là. Non, aujourd'hui, elle est réhabilitée. Voilà, il y a elle a travail. Été effacée à un moment. Et elle a été clairement effacée à un moment, parce que ça a été une empêcheuse de tourner en rond. Elle ne voulait pas lâcher. Elle considérait que c'était sa responsabilité, après avoir tracé ses œuvres pendant la guerre, de les retrouver ensuite. Or, comme Emmanuel Novak le disait, l'heure était à l'oubli, l'heure était à autre chose. Et donc, on ne voulait pas. Est-ce que, justement, le fait que l'heure était à l'oubli, qu'il fallait passer à autre chose, l'a emporté sur un autre argument qu'on pourrait pointer, la misogynie? Il y a beaucoup de choses, en fait. Rose Valland, c'est intéressant parce qu'elle est à la croisée de plusieurs choses. Elle est victime d'un monde misogyne, c'est évident. Il n'y a pas de femme dans ce milieu-là. La première femme conservatrice, c'est 1945. Donc, c'est quelque chose d'après-guerre. Mmh. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est une résistante. Et lorsque l'histoire de la résistance va s'écrire, elle va être écrite par les hommes, pour les hommes. Eh oui. Et donc, les femmes vont être mises de côté. Et pourtant, les femmes ont évidemment résisté. France Inter. Affaires sensibles. Dorothée Lépine, donc dans votre livre, vous abordez le destin d'autres femmes héroïques et oubliées. À commencer par Martha Desrumaux. Présentez-nous Martha Desrumaux, sa vie, son œuvre en quelques phrases, parce que je voudrais qu'on puisse pencher au moins sur 4 exemples. Martha Desrumaux, elle est assez incroyable. C'est une petite fille du Nord n'a pas été à l'école, n'a rien fait. Elle a son père meurt très jeune, sa mère est handicapée et donc vu qu'il n'y a pas d'argent, eh bien elle est vite contrainte d'aller travailler. Elle commence à travailler à l'âge de 9 ans. Donc contrairement à Rose Vallant, elle fait pas d'études elle. Et ça va être une des raisons d'ailleurs qui vont être difficiles pour la remonter derrière, c'est qu'elle ne laisse pas beaucoup de traces puisqu'elle n'écrira pas ses mémoires, elle ne parlera pas à des journalistes ou très peu. Et donc cette femme-là va rentrer comme ouvrière et va très vite se syndiquer, rentrer à la CGT, au Parti communiste, et va peu à peu grimper les échelons avec l'aide du Parti communiste qui à l'époque fait avancer. C'est là où elle va apprendre à lire et à écrire, donc ça va la faire progresser. Elle va être la seule femme, elle va mener des grèves avant la guerre, pendant la guerre, où elle va obtenir des augmentations. Vous imaginez bien, pendant la guerre, c'est pas forcément toujours le souci principal à ce moment-là d'avoir des pays en grève et des usines en grève. Elle va réussir à mener des grèves victorieuses. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, communiste qu'elle est, très engagée dans la résistance, elle va finir par se faire arrêter. Elle va être déportée. Elle va aller à Ravensbrück, ça va être son premier, la première française à être à arriver là-bas. Elle va résister dans le camp de Ravensbrück où elle va être avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, Geneviève Antonio de Gaulle, etc. Et lorsqu'elle va rentrer en France, elle va faire partie du premier convoi qui va rentrer en France et qui va être accueilli par le général de Gaulle. Elle va arriver Gare de l'Est à Paris, elle va dire les nazis ne m'ont pas eu. Et voilà, elle est encore là à résister et elle sera désignée par le général de Gaulle avec 15 autres femmes pour siéger à la première assemblée constituante. Donc il y a une reconnaissance quand même là. Il y a une reconnaissance, mais Martha Durumeau, vous en avez déjà entendu parler. Mais non, pas du grand public justement. Absolument pas. Oui. Il y a aujourd'hui, elle est sortie vraiment parce que il y a un historien qui s'appelle Pierre Outéric, qui a beaucoup travaillé toute sa vie dans le Nord pour la faire sortir. Et il y a un comité de soutien qui, par exemple, milite aujourd'hui pour la faire rentrer en Panthéon en disant que ce serait la première ouvrière et syndicaliste à rentrer au Panthéon. Belle idée, hein. Belle idée, mais c'est Manouchian qui va rentrer dans bientôt. Oui, ce qui est bien aussi. Écoutez, chacun son tour. Hein. Je précise que Martha Durumeau était aussi une militante de la défense, non seulement des conditions de travail, mais du droit des femmes. Elle est au Front Populaire, elle est à la table des négociations à Matignon en 36, c'est la seule femme à être là-bas. Ah oui, en tant que syndicaliste. En tant que syndicaliste, absolument. Autre femme oubliée, Laure Diébold, qui la connaît aussi, hein. Elle était la secrétaire de Jean Moulin, et elle n'a pas parlé, elle non plus. Arrêtée par la Gestapo, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé, elle s'est tue, elle a eu un réflexe génial, qui est que lorsque son réseau tombe et qu'elle se fait arrêter avec son mari, Eugène, elle a tout de suite le réflexe d'avouer sa participation à la résistance. Et elle dit, oui, c'est vrai, je faisais partie de la résistance. Oui, c'est vrai, je faisais partie d'un réseau. Oui, c'est vrai, je passais des courriers, etc. Et puis, c'est tout. Elle ne dit plus rien d'autre. Et en fait, les Allemands, sans doute un peu misogynes aussi, ne voient pas l'ampleur de leur prise. Parce qu'ils disent, c'est une femme, ça peut pas aller loin. Exactement. Or, cette femme-là, tapée, était donc la secrétaire particulière de Jean Moulin, et donc, de ce fait, elle était au courant de tous les secrets de la résistance. Elle est tombée quelques temps après Jean Moulin, et elle va donc être arrêtée, déportée, à Ravensbrück, elle aussi dans un premier temps, elle va revenir très très abîmée des camps de concentration, et elle va être oubliée, alors on peut l'expliquer par plusieurs raisons, d'abord elle n'a pas eu d'enfant, et donc c'est une, quand la mémoire se transmet, souvent la famille et les descendants aident à transmettre ça, son mari ne fera pas non plus ce travail-là de mémoire, elle était d'une nature très discrète, et c'est sans doute ce qui l'a sauvée aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, ce cloisonnement-là. Et donc, elle a cultivé aussi. Et c'est un des traits de ces femmes-là, c'est qu'elles s'auto-censurent un peu elles-mêmes, et elles se conduisent un peu comme des ombres, et donc elles ne cèdent pas, elles ne se promeuvent pas. L'armée des ombres. Voilà. Elles se font partie. Un mot sur Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie esthétique, qui s'est battue pour avoir le droit de faire des études de médecine, qui a réparé des dizaines de gueules cassées pendant la Première Guerre mondiale, mais qui, elle aussi, a été oublié. Alors, pour quelle raison ? Alors, Suzanne Noël, justement, elle est intéressante en lien avec Laure Débolt, parce que Laure Débolt, je vous le disais, elle ne se promeut pas. Enfin, Suzanne Noël, elle, au-delà de son activité de chirurgienne esthétique, elle va créer un club qui existe toujours aujourd'hui, qui est très étendu partout en Europe et dans le monde, qui s'appelle le Club des Soroptimistes et qui est un club de solidarité féminine. Et elle le crée pour faire le pendant au Rotary Club, est celui des hommes, parce qu'elle se dit, les hommes, eux, ils se promeuvent entre eux. Et donc, si nous, on s'y met pas, on va pas s'en sortir. Et donc, elle crée ce club-là, qui est un club de solidarité de femmes, en disant, voilà, moi j'ai mon bistouri en tant que chirurgienne, qui est mon instrument pour redonner du pouvoir aux femmes, en les aidant belles et en les aidant à continuer à travailler, à pouvoir exister. Et puis, j'ai ces clubs-là, où je vais pouvoir, et les femmes vont pouvoir s'aider entre elles et avancer entre elles. Et c'est très très important, parce qu'on voit bien que c'est une des raisons de l'oubli, c'est que les femmes, si elles ne se poussent pas entre elles, alors que les hommes, eux, se cooptent entre eux assez facilement, eh bien, c'est eux qui gagnent. Alors, dans le premier tome des oubliés sous-titrés, donc celui-là, Dans l'ombre des grands hommes, vous dressez le portrait d'autres femmes remarquables, mais qui ont cette fois été effacées par les hommes avec qui elles vivaient, alors que leur rôle a été essentiel. Le meilleur exemple, pas le plus emblématique parce qu'il est relié à un nom très connu, c'est peut-être Mileva Maric, l'épouse d'Albert Einstein. Quelle est leur histoire ? Mileva Maric, c'est une jeune femme absolument brillante, effectivement, d'origine serbe, que son père envoie faire des études en Suisse, parce que là-bas, l'université est accessible aux femmes. Et donc, elle rencontre Einstein sur les bancs de l'université, à Zurich. Et très vite, bon, il y a une émulation intellectuelle et amoureuse entre les deux. Et ils vont se mettre à travailler ensemble. Mais elle, à l'époque, elle veut être physicienne elle-même. Et elle dit, je serai physicienne comme les hommes, mieux que les hommes, meilleur que les hommes. Donc elle a à ce moment-là l'idée de tracer son propre chemin. Mais comme souvent dans l'histoire de ces couples-là, on voit que les femmes qui travaillent aux côtés de leur mari, à l'intérieur du couple, sont d'égal à égal avec le mari, mais à l'extérieur, un seul se dégage. Et c'est aussi ce qui va arriver à Mileva Maric, puisqu'elle va travailler avec Einstein sur la théorie de la relativité. Et elle va... Alors, on le sait, parce qu'il y a des courriers, il y a des lettres, ils ont beaucoup échangé entre eux. Et donc, Einstein lui dit, oh, j'ai tellement hâte qu'on se retrouve à l'été pour qu'on puisse travailler ensemble la théorie de la relativité, etc., etc. Une fois qu'on aura fait sortir tout ça, mais qu'est-ce qu'on sera bien et qu'est-ce qu'on sera heureux. Donc, on a toutes ces traces-là. Mais évidemment, comme vous le savez, elle a été effacée de tout ça, et elle était aussi notamment très très très utile à Einstein là-dedans, puisque elle était meilleure que lui en maths. Lui, il se décrivait comme un élève plutôt moyen. Bon, il était pas mauvais non plus, hein. Et elle refaisait pour lui tous ses calculs mathématiques. Donc, elle était essentielle dans le couple. Mais lorsqu'il sort la théorie de la relativité, seul lui sort, émerge. C'est lui qui aura le Nobel, et c'est lui qui va bénéficier de cette Einstein-mania. Mais oui, voilà. Le cerveau universel. Alors, je signale d'ailleurs sur ce sujet un épisode d'Affaires Sensibles consacré à Marthe Gauthier, la découvreuse de la trisomie 21, dont les travaux ont été repris, disons presque volés, par le professeur Lejeune. Évidemment, cet épisode d'Affaires Sensibles est disponible en podcast. Finalement, il y a une exception notable, c'est Marie Curie. On dit bien Pierre et Marie Curie. On dit Pierre et Marie Curie, qui effectivement ont eu le Nobel ensemble, mais il faut quand même savoir que Marie Curie a eu son Nobel parce que Pierre a été avec Henri Becquerel, qui était le troisième dans l'histoire, a été réclamé en disant non, moi j'ai travaillé avec ma femme et je veux que ma femme ait aussi le prix Nobel. Et en fait, tout ça, ça raconte, à l'exception des Curie évidemment, ça raconte l'histoire de la difficulté des femmes à rentrer dans le domaine des sciences. Ça a même été théorisé, ça s'appelle l'effet Mathilda. Et voilà, ça raconte la spoliation systématique ou quasi systématique du travail des femmes au profit des hommes. Eh bien, ce sera le dernier mot d'Dorothée Lépine. Merci infiniment. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Rose Vallant, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Baptiste Collion.